En Corée du Sud, le comité de mesures d'urgence des entreprises pour la collaboration économique Sud-Nord et le conseil des entrepreneurs de Kumgangsan ont déclaré le 3 courant se mettre à la grève sur le tas de 100 jours pour exiger des autorités la compensation du dommage causé par la politique antagonique contre le Nord et l'amélioration des rapports intercoréens.